un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Bonjour, bon dimanche. J'en profite tout de suite au début pour saluer ma fille Émilie, Samuel et la petite Marjolaine chez qui je me rends tantôt. J'ai bien hâte de les voir. Je vous salue à vous aussi, d'où que vous soyez à travers le monde. Cette semaine, c'est un monde qui va être africain. Je comptais le nombre de pièces que j'ai fait jouer cette année. C'est la dernière de l'année, la dernière de 2014. Ce ne sera pas un bilan. Je préfère faire les bilans plutôt à la fin des saisons radiophoniques, donc ce sera au mois de mai. Mais quand même, j'ai fait jouer au-delà de 573 pièces en 2014. C'est pas rien, je vais en faire jouer une dizaine encore aujourd'hui. Comme je vous le disais, on va être en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, et dans trois pays, dont le premier est situé sur la côte atlantique. Les deux autres sont en ligne droite avec le premier. C'est le Burkina Faso, le Bénin et le Mali. Le Burkina Faso, c'est en fait, ça veut dire littéralement le pays des hommes intègres. C'est un pays qui a... Bon, je me suis trompé. C'est le Burkina Faso n'a pas accès à la mer. Il y a le Mali au nord, le Niger à l'est, le Bénin au sud-est et... le Togo aussi, le Ghana au sud, la Côte d'Ivoire. Je mélangeais Bénin et Burkina Faso, que les gens du Bénin et du Burkina Faso me pardonnent. Ce sont deux pays qui sont côte à côte. Le Burkina Faso, on appelle les habitants du Burkina Faso les Burkinabés. La capitale, c'est Ouagadougou. Elle est située au centre du pays. C'est 18 millions d'habitants quand même. Le Burkina Faso. Le Bénin, c'est lui qui a accès à la mer. C'est un pays qui s'étend sur 670 km de long, le long du fleuve Niger. Donc au nord, c'est la côte atlantique. Au sud, c'est le Burkina Faso. Le Bénin, c'est 9 millions, tout près de 10 millions d'habitants. Il y a le Togo, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, tout autour. Quant au Mali, c'est 15 millions d'habitants. Plusieurs des grands musiciens de l'Afrique de l'Ouest sont des griots perpétuant la tradition de leurs ancêtres, chanteurs de génération en génération, des généalogies et des louanges des cours royales et des familles nobles de l'ancien empire Mandingue ou empire du Mali. Donc une très grande tradition, une très longue tradition musicale au Mali. La population malienne est constituée de différentes ethnies, beaucoup d'ethnies au Mali. Les principales, c'est Bambara, Bobo, Bozo, les Dogon, les Kassonké, les Malinké, les Minyaka, les Peul, les Sénoufos, les Sonikès. Enfin, il y en a d'autres. Il y a des Touaregs aussi au Mali. C'est le français qui est la langue officielle du Mali. Donc, c'est un plaisir de saluer les Maliens en français. Mais la population parle majoritairement tout de même d'autres langues nationales, dont le Bambara est la plus utilisée. Alors, du Burkina Faso, on va écouter Art Melody. Art Melody, dont j'avais déjà fait jouer des pièces. Et là, je vais faire jouer trois pièces de lui. Doni Ramba, Barka Barka et John Ya. Ce sont trois pièces tirées d'un album Wag Dog Blues, un album paru en 2013. C'est le troisième album d'Art Melody. On l'écoute. Baraka baraka baraka, ye baraka la bonti baraka, la ko karankera war ko de ye o karako di o karako ni ibate dotoro ye ete saka para ke e dotoro so o karako di o karako ni ifate professeur ye ete saka ke metriye o karako di o karako poro malere ti jamana deo na jamana deo na muno dom jamana deo na muno ke jamana deo na muno dom nankwa mukma ko jamana deo te para fe nankwa mukma ko jamana deo ye fugari uye kasoro son bena ka concours concours bena ka affair nankwa mukma ko gangster nankwa mukma ko rapper nankwa mukma ko droger kasoro rapu fana de korobo ni ka rapu korobo ongo fisel kelem dima katla katas ma plara ni ye che ya korobo. Dakar, Kata, PBS, Taraji, Fora, Blapa, Poti, Rapu, Baraka, Wila, Rapu, Baraka, Wila, Netre, la Mini, Netre, la Bamako, Où s'élève la voix du ghetto, Tata, Pan, Rapu, Baraka, Dira, Fanga, Finga, Rapu, Baraka, Wila, j'entends des cris, les cris de Fak Alliance depuis qu'on a crié. Faso kanko faso komba rapu teremana ayelen fleye lenkan tobo kanko chanta kan netara la mini netara la nyame enyame kanko karen kasla rapu te woloma rapu te siensgay baraka baraka baraka masaka rapu baraka ne rapu baraka sorola ango por malera sorola gachama na tembe nafa baraka baraka baraka ye baraka la ponti daga la daga me koroko nafa baraka baraka baraka masaka rapu baraka ne rapu baraka sorola ango por malera sorola gachama na tembe nafa baraka baraka baraka ye baraka la ponti daga la daga me koroko nafa. Don't you think I don't win, don't you? Don't think I don't win. So be it, never got back in the wind. and gonna come yeah. Bang a boy so windy, windy, bang a boy so windy, windy, bang a boy so windy, ele baga yele, dia yele, bang a boy so windy, windy, bang a boy so windy, ele baga yele, ya yele, ma songo bang a boy so windy, chill ti duni gamba, rata net sa fam yele, dum yega na tour form sa sa form, papa patan yele. Atuni ramba, abnonga net some problem yele. Tum yega na tour form sa sa form. Hey, Duni, Kalahari, Duni, Kalahari, Duni, Duni. Qu'il y a ici là peut effectivement causer un incendie un jour. Faudra y penser, peut-être trouver une autre formule, je ne sais pas comment vous allez faire, afin que lorsque si les autorités viennent ici, bon, que vous puissiez quand même les répondre. Voilà, c'était Art Melody John Ia, c'est tiré du magnifique album. Ça sera pas bien long, je vais retrouver le nom de l'album, Wog Dog Blues, c'est surtout l'orthographe que je cherchais, W-O-G-D-O-G Blues, évidemment c'est comme ça, ça s'écrit comme ça se prononce, magnifique album, donc paru en 2013, que je ne me lasse pas personnellement d'écouter et que je vous recommande fortement. On demeure au Burkina Faso avec un autre artiste que je vous avais aussi présenté, mais là, il vient de sortir un album, en fait, en début d'année, il a sorti un album, Guyento, G-U-I-N-T-O. Il s'appelle Koto Brawa. Guyento a été nommé ainsi en l'honneur de sa fille. Guyento, ça veut dire lève-toi et marche. En Birifor, c'est sa langue maternelle de Koto Brawa. C'est une langue parlée au sud-ouest du Burkina Faso. Dans cet album sorti récemment, Meet Ick, voilà que je suis tout mélangé. Guyento, c'est un album paru avant. Meet X, c'est l'album qui vient de sortir récemment. Koto Brawa mélange, comme dans le précédent, des rythmes birifores et d'agara. C'est une ethnie du sud-ouest du Burkina, avec des sonorités modernes, notamment du jazz, du funk, du blues. Et on va écouter trois pièces de l'album Meet X, M-E-E-T, Tradition I-K. On va écouter la pièce Yeran Koulfou, Yerian Koulfou, Y-E-R-I-A-N K-O-L-F-O. Ensuite, on va écouter Sali et finalement Yogoro Massa. I'm kata tonge Yarnya kulfu bale iya A tebe rabe tedu A tebo tebo A tebe rabe tedu A tebo tebo Bamba tebo bambe ding Tebe rabe tedu A tebo tebo A tebe rabe tedu A tebo tebo I pull no banner. I live in Babo. What are all new Babo? I can see you, Babo. I pull no banner. Table. Sur mes notes tantôt et je suis allé vérifier, c'est la beauté de la chose, on peut avoir internet, on peut donc savoir rapidement si on a donné la bonne information ou non, et effectivement l'album Metex, c'est un album qui était paru en 2007, M-E-E-T, traduction I-K, en juin 2007 qu'il est sorti, alors que Guento, l'album dont je vous parlais, lui est paru cette année, l'album Hommage à sa fille. Donc ce sont des pièces de l'album Mythic qu'on écoute. On a d'abord écouté Yeran Kulfu, ensuite Sally, et on termine cette demi-heure avec la pièce Yogoro Masa. Yes.

Monica Lukua Femirinda, Monica Lukua Fera Sayori, Monica Lukua Feri Oya, Monica Lukufello Wajitaji, Ayatara Kawari Ominira, Ayawa Ferada Fuwenia, Ayawa Siwala Ominira. Yeah. Ah, comment ne pas bouger sur cette musique, sur cet air de Angélique Kidjo. Si vous aimez ce que vous entendez, si vous avez la musique africaine en général, moi je vous conseille fortement Tout Feu, Tout Flamme, le samedi après-midi 15h avec Bryce Santana. C'est aussi très, très entraînant, hein, ce 2 heures Tout Feu, Tout Flamme le samedi après-midi. 2 heures de musique africaine. On en est à Rokia Traoré. Rokia Traoré, elle est née en 1974. Elle est, je vous l'ai dit un peu plus tôt, si vous écoutiez l'émission, elle est du Mali. C'est une chanteuse, mais aussi une auteure, compositrice, interprète, guitariste. Elle est issue du groupe ethnique des Bambara. Son style artistique, c'est un mélange de traditions maliennes, donc de musique griot, et de modernisme occidental. On voyait ça aussi chez Angélique Kidjo. Elle s'est entourée d'une équipe de musiciens qui utilisent surtout des instruments traditionnels, le balafon, le gnoni, le carignan, la guitare, djembé, yabara, mais sa voix s'en éloigne pas moins des canons esthétiques établis. Donc, ça fait quelque chose de fort intéressant à écouter, et on va écouter de l'album Beautiful Africa. C'est un album paru en 2013. Kamoun Ke, une belle pièce qui dure 6 minutes et demie. Et ensuite, une autre pièce encore beaucoup plus longue, une Terry, c'est une pièce qui dure 9 minutes et demie. On écoute Rokia Traoré de l'album Beautiful Africa, Kamoun Ke. Kamunke, denye monka mundima. Akamundi, denye monka munkiye. Denye mana wara nyaduma, moye kela jonle dimfa. Kamunke. Akamunke, denye monka mundima. Akamundi, denye monka munkiye. Wina imaye idusu deye mofile. Akamunke, ndianye monka mundima. Akamundi, ndianye monka mundiye. Ndianye mana wara nyadoma, mwekele jonle difa. La farinya oye la marala do de fe sabe jugu mambe wula jankono ofena na maraba mukela nya wonyama jombe ni de nyeba waitinya la nya wonyama ambe na maraba akamuke ni anye monka mundima ufo akamundi ni anye monka mundiye. Waina imaye idusu daye nisore. Akamunke, ndianye monka mundima. Akamundi, ndianye monka mungiye. Ndianye mana wara nyadoma, mwekela jonle difa. Mbure zano dube nepolo baba mbudima. Ibe woke bolo kanegeye, ibudu nekiye. Uwari mugu mimbi bolola, odo mobili dela. Kodi deno mamama, mama nipa makogongo maka. Akamunke, ndianye monka mundima. Akamunke, ndianye monka mundima. Ufo. Akamundi, ndianye monka mungiye. Ndianye mana wara nyadoma, mwekela jone. ne bolo baba mbodima ambe wo kala nyare la cher falioro ibodu ne biye wer mogu mimbi bolo banki odo vila de la obedi de no mama mogo la dombaga ni bolo here kaka mke ni anye monka mundima ufu ala ni anye monka Neye jonle, neye wolo fanyu manga jonle. Anamke, neye jonle, nele wolo fanyu mala jonle. Neye jonle, neye wolo denin la jonle. Tianye mana wara neye jonle, kone furuge nyu mala jonle. Ofena leye nela jonle, sege nyonyo mala jonle. Bala nyonyo ma, wala hibali manyu mala jonle. Yenye mana wara nyadoma mwekela chole tifa akamuke ndiye munka mundima akamundi ndiye munka mundiye ofo ndiye mana wara nyadoma mwekela chole tifa Nyadoma, moye kela John Lady. Ah, samuke, ni anye monka mundima. Eh, ni anye monka mundie. Ni anye mana wara nyadoma, moye kela John Lady. Ah, samuke, ni anye monka mundima. Dienye munka munkie Dienye mana wara nyadoma Oni vinye gela John Lady Setie tu Laurent qui m'a écrit depuis la Bretagne pour me dire qu'il adorait Angélique Kidjo, je l'adore aussi évidemment, et me faire part aussi d'une entrevue qu'elle a fait récemment. Je vais écouter ça plus tard dans la journée. J'en profite pour vous dire que toutes les pièces que vous écoutez et que vous allez écouter d'ici la fin sont disponibles sur le blog lesoreillesailleurs.net, lesoreillesailleurs.net. Elles seront un peu plus tard, pour celles d'aujourd'hui, elles seront un peu plus tard dans la journée puisque je vais aller souper et veiller avec ma fille qui demeure sur la rive sud de Québec. Donc, je n'aurai pas le temps de le mettre. Habituellement, je le fais assez rapidement après l'émission, mais là, ça va aller vraiment dans quelques heures. Sinon, il y a toutes les autres pièces que j'ai fait jouer en 2014, depuis le début de l'émission, en fait. Et même les podcasts sont là. Sinon, ben c'est sur ckrl.qc.ca. Vous cherchez dans la programmation, vous trouvez l'émission Les Oreilles ailleurs et tout y est là. Vous pouvez en profiter pour m'écrire à partir du blog si le cœur vous en dit. Je vais vous laisser donc sur la deuxième pièce que je vous avais annoncée, une théorie. C'est N'T&RI. Tiré de l'album Beautiful Africa de Rokia Traoré, une très longue pièce au-delà de 9 minutes. Et il y a Michel Bonaparte qui va suivre avec Topic du Capricorne. Moi, j'en profite pour vous souhaiter de passer un très beau réveillon du jour de l'an. On se revoit en 2015 pour Les Oreilles ailleurs. Rokia Traoré, une théorie. Ah! juguka nemara njogo nyuma nyuma nyuma ninkelenkelenkama ntonda mana o bele bele ba Never was I a son of me worry. Jonti Jona Kambali Ambenana Kambenita Wati Yande Baruso Itoyorote Kununkela Donyana Bistoko mada juna foloko Wabibe kedo nyana Sini mfajiri tusoro anchela Dunya danu madi Mati teleke Chonyon teleke hamada Sige mananya wonya Teriya sige sige manadya wodya Nimi senya bala atela bang Kimananya wanya Bele maya sigi sigi mananya wanya Nikele ya bala Abetinya dundu Siki mananya nya Sigi nyonya Sigi manaja oja Ni jugo ya bala Atelaban Munde ya ni indi nye dia Baroduma Munde ya ni indi nye dia Beni kelenya aninyong nye kum Fodoka kie kamanyi Nijama bela jelenke la voroye Usigiti kie kodumanyi Fodoka nalu Nijama Jelenke kunyara Obaruti India Nteri nteri Antumbe barudu mamonu ke osanjana